Tu redonnes des lois après la chute, comme un père qui réapprend la route. Au milieu du désert, tu rappelles que la grâce n'annule pas la vérité. Les offrandes reprennent leur place, le rythme revient dans le camp, même après l'échec et la plainte, tu reconstruis patiemment. Tu nous rappelles par des signes ce que nos cœurs oublient vite. Attache ta parole à nos jours, coule-la sur nos vêtements, que chaque pas nous rappelle que nous marchons sous ton serment. Attache ta parole à nos jours, même dans nos gestes les plus petits, que nos vies se souviennent toujours à qui elles appartiennent aujourd'hui. Un homme brise le jour du sabbat, la gravité de l'oubli se révèle, car la liberté sans mémoire devient vite une route infidèle. Mais tu ajoutes aux vêtements un fil pour se souvenir de toi, même dans le mouvement quotidien, tu veux rester devant nos choix. Attache ta parole à nos jours, attache ta parole à nos jours, attache ta parole à nos jours, même dans nos gestes les plus petits, que nos vies se souviennent toujours à qui elles appartiennent aujourd'hui. Que nos pas, nos mains, nos saisons restent liés à ton nom.